Cours numéro 2. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Le cours précédent avait commencé l'étude de cette risala sur tafsir kalimat at-tawhid, l'explication de la ilaha illallah. Et dans le cours précédent, c'était comme une introduction, l'importance du sujet. Al-Tawhid, c'est la base de notre dîn. On doit commencer par cela. On doit appeler à cela. On doit aimer, détester par rapport à hadha tawhid. Cheikh l'Islam, le Taymi, on peut citer une de ses paroles avant de commencer la lecture. Rahimahullah ta'ala, qala, wa qad ulima bil ittirar min dîn al-rusul. من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة l'unanimité de la أمة. Et c'est cela la religion du prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. أن أصل الإسلام, la base de l'Islam, وأول ما يؤمر به الخلق, et la première chose qui est obligatoire pour tout le monde, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فَبِذَلِكِ يَصِيرَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا. C'est en appliquant, en prononçant ce pilier que le kafir, ça devient un musulman. قَالَ وَالْعَدُوَ وَلِيًّا. Et celui qui devient musulman, même si c'était un ennemi, ça devient un wali. Ça devient un allié, un proche. قَالَ وَالْمُبَاحَ دَمُهُ وَمَالُهُ مَعْصُومَ الدَّمْ وَالْمَالُ. هذا pour appuyer ma taqaddam dans le dars précédent sur l'importance de cette étude ay tafsir kalimat at-tawhid. Qala al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala wa hiya kalimat at-taqwa wa hiya al-urwa al-wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alayhi salam baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ay il a cité des autres noms qu'on a vu dans le dars précédent. الكلمه او كلمه التقوى اي العروه الوثقى. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وهذه الكلمه لا اله الا الله هي التي عناها ابراهيم عليه السلام في قوله انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. هذا هو معنى لا اله الا الله. Ce verset, c'est le sens de la ilaha illallah. اننا او انني براء مما تعبدون, ça c'est la ilaha. إلا الذي فطرني إلا الله. قال هذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء, هذا معنى النفي لا إله. إلا الذي فطرني, هذا معنى الإثبات إلا الله. Donc لا إله إلا الله, si on la prononce, on doit connaître le sens. Et في القرآن الكريم plusieurs versets que Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى il a cité هنا dans son explication pour prouver le sens de la إله إلا الله. Quand on dit la ilaha, ay natabarra, natabarra min kulli ma yu'bad min dunillah. Innani bara'un mimma ta'budun. Ibrahim s'est désavoué de ce que son peuple ils adoraient min dunillah, les statues. Et ta'lamoun an al-bara'a, on connaît le mot al-wala ou al-bara'. Al-wala, c'est le fait de se rapprocher de quelqu'un et l'aimer. Et fi dinillah al-wala, c'est par rapport à ce tawhid. Enfin, on se rapproche et on l'aime fillah. On aime chaque mouahid. Et al-bara'a, c'est le contraire. C'est le fait de s'éloigner et de détester. Faqala, innani bara'u mimma ta'budun. Ça montre quoi? Ça montre qu'on doit s'écarter du shirk et on doit détester le shirk. Et on doit détester ceux qui font du shirk. Et on doit kadalik s'éloigner min bilad al-shirk. On doit s'éloigner min bilad al-shirk. Limadha li'anna al-muhid, il doit avoir hadhihi al-bara'a. Il ne doit pas accepter le shirk, il doit le détester, il doit s'en écarter. Ça c'est le ma'na la ilaha illallah. Si on dit la ilaha illallah, un muslim qui dit la ilaha illallah bi'ilm, est-ce que ce muslim, il dira anna la religion de l'islam, la religion du judaïsme, la religion du christianisme, c'est toutes des religions célestes. Na'oudou billah. Min az-zayr. Ha'oula, ils n'ont pas compris la ilaha illallah. Les mada, il y en a comment dire que ha'oula, qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment dire, en leur religion, c'est une religion qui est basée sur la vérité. Ha'oula, ils n'ont pas compris la ilaha illallah. Celui qui a compris la ilaha illallah, il va aimer et il va détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, celui qui dit la ilaha illallah, est-ce qu'il va oser dire anna les gens, ils sont libres? Comme on a sma'al an, kathiran. Ce mabda, ce principe qui contredit at-tawhid. Est-ce que Ibrahim, il a dit à son peuple, vous êtes libres? Abadan. Qala innani bara'un mimma ta'budun. Et dans l'autre verset, wa bada baynana al-baghdha. وَبَدَ بَيْنَنَا الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَى Et entre nous et vous, وَبَدَ بَيْنَنَا الْعَدَوَةُ وَالْعَدَوَةُ c'est, tu le prends comme adou, ça devient un ennemi. وَالْبَغْضَى la haine. Et Ibrahim, il leur a fait da'wa, il leur a montré. Et ils ont refusé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kadhalik, est-ce qu'il a dit à Quraysh, vous êtes libres? Abadan. Il a dit, قُولُوا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُ النبي صلى الله عليه وسلم قال, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتى يقول لا إله إلا الله. Il a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils se soumettent, qu'ils disent la ilaha illallah. Ça veut pas dire que nous on doit combattre ceux qui disent pas la ilaha illallah. Ben hada ça revient wali al-amr, ça revient au gouverneur. Lakin ce principe de liberté, on a chacun il est libre. Pourquoi vous dites que un tel c'est un kafir? Pourquoi vous dites que les juifs c'est des égarés? Tout ça ça contredit هذه الكلمة فثبت أخي الكريم. Accroche-toi à ton dîn et fais des efforts pour apprendre tout ce qui se passe comme combat contre l'islam, c'est un combat contre هذا التوحيد. C'est pour ça on le répète, ils combattent مجدد التوحيد à notre époque. À notre époque, ils combattent au nom de l'islamisme, du radicalisme, ils combattent ce qu'ils ont inventé, le wahhabisme. Le wahhabisme, pour eux, c'est da'wat al-imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab. La da'wat de cet imam, c'est que la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait revivre bi-idnillahi azza wa jal à notre époque. Qala rahimahullah. Qala wa ja'alaha ay Ibrahim alayhi salatu wa salam ja'ala hadhihi l-kalima kalimatan baqiyatan fi aqibih ay fi dhurriyatih fala yazal fihim man yaqul la ilaha illallah lam yatrukuha kulluhum. Na'am. Imam al-Muwahhidin et sa descendance, beaucoup, walillahi alhamd, ils sont restés à la hada tawhid. Et le meilleur homme, il fait partie de la descendance du prophète Ibrahim. Notre prophète Muhammad, alayhi salatu salam. C'est un descendant de Ismaïl. Et Ismaïl, c'est le fils de Ibrahim. Qala, bel fihim man qalaha, wa staqama alayha, walau kana adadan qalilan, ou afrada. Falamma bu'itha Muhammadun, sallallahu alayhi wa sallam. وبعث بهذه الكلمة قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Ça, ça nous montre أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم elle est fondée sur هذه الكلمة. C'est la base. Tu veux apprendre ton dîn, apprends cette base. Si tu n'as pas compris cette base, أخي الكريم, ne perds pas ton temps à autre chose. Même la langue arabe. La langue arabe, c'est très très important. Et tu as besoin de la langue arabe pour comprendre hadha al-kalam, comprendre al-nafi, comprendre al-ithbat, comprendre al-shurut, comprendre al-ma'na. Tu as besoin de la langue arabe. Lakin al-tawassu', se consacrer qu'à la langue arabe et ne donner aucun temps au tawhid, hadha c'est pas min al-tawfiq, c'est pas min al-hikma. Là, il y en a, notre din, il est fondé sur hadha al-tawhid. On doit l'apprendre. C'est pour ça que nous, on essaye de s'entraider avec nos frères qui ne sont pas arabophone, de prendre comme base un livre en langue arabe et d'essayer de le simplifier. C'est pour ça qu'on a pour habitude, wallillahi alhamd, de parler en arabe, en français. Hatta les frères, ils prennent l'habitude, certains mots, on ne délaisse pas complètement l'arabe, et qu'à d'aller parler en français pour leur faciliter la compréhension. Amma, si tu attends pour apprendre le tawhid, d'apprendre l'arabe, alors, la langue arabe, il te faut un peu de temps pour apprendre des mots, la grammaire, il faut du temps pour comprendre, un an, deux ans, ça dépend de chacun ses capacités. Enfin, si on attend hada pour apprendre le tawhid, là, khassatan walillahi alhamd, on peut, en s'entraidant, en se basant sur la langue arabe, faciliter à nos frères. Qala, فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بلا إله إلا الله وهي الكلمة التي جعلها جده أي جعلها جده إبراهيم عليه السلام. قال بقية في عقبه وكان محمد صلى الله عليه وسلم من عقب إبراهيم. دونك قوله بقية في عقبه أي sa descendance. Et le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام il fait partie de la descendance de Ibrahim. قال وبعث الله بها وبعثه الله بها يدعو الناس إليها ويقاتلهم عليها فهي كلمة عظيمة ولعلهم يرجعون أي يرجعون إليها أي إلى هذه الكلمة. قال وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم رجع إليها الكثير من ذرية إبراهيم أي من العرب وغير العرب. الله سبحانه وتعالى il a guidé beaucoup d'êtres humains avec la da'wa du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. تعلمون أن دعوة إبراهيم avec le temps elle a été oubliée dans beaucoup de contrées, dans beaucoup de régions, dans beaucoup de pays. حتى الله سبحانه وتعالى quand il a envoyé le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, la plupart des gens ils étaient في كفر وضلال وفي الشرك. Même dans la péninsule arabique, même في مكة, ils adoraient des idoles. بل في الكعبة, à l'intérieur de الكعبة, بيت الله عز وجل, الحرام, il y avait des idoles. Et Allah سبحانه وتعالى il a purifié الجزيرة بدعوة نبيه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بها. Donc النبي صلى الله عليه وسلم sa دعوة les fondée sur هذه الكلمة. تحقيقها, التحقيق, c'est fondé sur une étude, sur la science. Tu ne peux pas حقق une chose que tu ignores. C'est pour ça que cette kalima, ce n'est pas une parole qu'on prononce avec la langue, فقط, là. C'est une parole qu'on étudie. C'est une parole qui doit pénétrer dans le cœur. C'est une parole qui va avoir un impact, un effet sur ce que tu fais nuit et jour. Même dans l'endroit dans lequel tu vis. Si on reprend l'exemple de la hijra, le tawhid, c'est lié avec la hijra. Celui qui comprend la ilaha illallah, حق الفهم, et il veut mettre en application la ilaha illallah, ça lui facilitera jiddan al-hijra. Et revient aux paroles de a'immat ad-da'wa, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab et ses élèves rahmatullah alayhim, et ses enfants, ses petits-enfants, ils ont beaucoup écrit fi hadha. Limadha li anna l'amour de cette kalima, la mise en pratique, tu ne pourras pas vivre avec ceux qui la combattent. Khassatan si tu as bien sûr la capacité de te déplacer dans un pays musulman qui ne combat pas cette kalima. Même s'il y a des faiblesses, même dans beaucoup de pays musulmans par rapport à cette kalima, lakin ces manquements c'est beaucoup dû à l'ignorance. Amma al-kafara fa'indahum, le fait de dire Allahu Akbar, le fait de dire la ilaha illallah, pour eux c'est un appel au djihad, c'est du radicalisme, c'est le fait de dire mithl hadha al-kalam. C'est pour ça que certains enfants, comme on nous a informé, on a certains enfants à l'école, ils ont dit, imma ils ont dit Allahu Akbar, imma ils ont dit la ilaha illallah, directement une convocation, peut-être qu'il est en train de se radicaliser, il a akhri. Enfin, mahabbatu la ilaha illallah, ça doit pousser le musulman à se réveiller. Ne croyez pas et ne pensez pas, ya ikhwan, anna al-hijra c'est lié à l'argent. Là, l'argent ça va t'aider pour le déplacement, pour le déménagement. Même si tu n'as pas d'argent, tu peux faire des efforts en quelques temps pour ramasser un peu d'argent, c'est une cause. Lakin la principale cause, c'est at-tawhid. Kam min an-nas, ils ont de l'argent, lakin ils n'arrivent pas à se déplacer. Limadha li'annahum, ils ont un dha'f fi hadha, ils ont une faiblesse ici, ils n'ont pas une faiblesse dans le porte-monnaie. Kam min an-nas, wallah, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ba'dhum, ils ont très peu d'argent, lakin ils ont donné du temps à hadhihi al-kalima, ils l'ont comprise. Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur ouvre les portes. Allah, il leur a facilité. Ils ont fait le hijra et ils mangent comme les autres. Ils s'habillent comme les autres. Ils vivent comme les autres. Même s'ils ont certaines choses en moins, c'est l'Allah. Et wallahi, les choses qu'ils ont en moins fait dunya, ils ont le cœur apaisé. Ils ont leurs enfants en sécurité. Bi-idnillah. Ils appliquent leur din, la tête haute. L'Allah, jalla wa ala. Amma, pensez que au côté financier, faire des efforts que niveau argent, tu gagneras de l'argent. Lakin al-hijra, ce n'est pas un déplacement du corps, faqat. Al-hijra, c'est un déplacement du corps, et dans ton corps, il y a ton cœur. Si ton cœur n'est pas prêt, ton corps il aura du mal à suivre. I'lam hadha, akhi al-karim. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, inna fil jasadi mudra. Idha salahat, salah al-jasad kullu. Wa idha fasadat, fasad al-jasad kullu. Alla wa hiya al-qalb. Dans le corps, il y a un organe et un morceau de chair, s'il est bon, tout le corps il sera bon. Si ton cœur il est rempli de tawhid, de tawakkul, tu places ta confiance en Allah, tu crains Allah, tu sais que c'est Allah qui donne, tout ton corps il suivra. C'est pour ça que le sahaba radiyallahu anhum, quand le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit le hijra, du jour au lendemain, ils n'ont pas pensé à maison, à un tel, il veut rester, à mon jardin, abdan, directement à Al-Madine. Bel ba'dhum, ils ont été avant la première hijra, al-Habash. Limada li annahum, ils étaient prêts, radiyallahu ta'ala anhum. Pourquoi beaucoup d'entre nous, on a du mal? Les priorités, ce n'est pas les mêmes. Ba'dhum, ils pensent que le hijra, c'est... Mathalan, un exemple tout simple. En France, ils louent un appartement modeste. Pour faire le hijra, il faut qu'ils soient propriétaires d'une maison de telle et telle valeur. Pourquoi tu loues fait Bilad al-Kouf, pourquoi tu ne louerais pas fait Bilad al-Muslimin? Thomas, si tu as les moyens, alhamdoulilah, achète. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Lakin andhuru, les obstacles qu'on se met seul et le côté financier prend le dessus, ça a un impact directement sur le hijra. Et on repousse, et on repousse. Enfin, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On vit à une époque, la plupart des frères, l'immense majorité des frères, ils n'ont plus aucun doute que l'hijra c'est wajib. Tellement, en France, c'est devenu très très très compliqué de mettre en application, on ne dit pas son dîn, on ne dit pas sa religion, là, les bases de la religion. Les bases de la religion. Enfin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite à nos frères. Kadhalik, pour te faciliter al-hijra akhil karim, ne te voile pas la face. Pardon, les ikhwa, ils essayent de ne plus écouter ce sujet, de saler, ça les met dans l'embarras. Écoute, fais des recherches. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lis la biographie du prophète alayhi salatu wa salam. Fais des efforts fi tawhidillahi azza wa jal. C'est cela les provisions pour faire la hijra. Et on avait détaillé هذا قليلا dans التبوكية de l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله et dans d'autres livres. ثم قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى بل إن كل الرسل بعثوا بها قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله. وعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. C'est ça le sens de la إله إلا الله. Deuxième verset من سورة النحل. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. Chaque رسول, chaque messager, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a envoyé avec cette da'wa. Ça nous montre أن لا إله إلا الله التوحيد, c'est la da'wa de tous les prophètes عليهم الصلاة والسلام. Cette da'wa c'est quoi? اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Adorez Allah et écartez-vous du ta'wut, écartez-vous du shirk et tout ce qui est adoré min دون الله. Et c'est ça معنى لا إله إلا الله. Et on doit adorer Allah seul et s'écarter de tout ce qui est adoré min dounillah. Ce qui est adoré min dounillah est un tafsil. Ne pas croire que tous ceux qui sont adorés min dounillah c'est des tawarit là. Mathalan, Isa il est adoré min dounillah, lakin, bien sûr lui il était contre. Et il est contre cela. At-tarut c'est celui qui est adoré min dounillah wa huwa radi. Man ubida min dounillah wa huwa radi. Comme a bayyana l'imam Nurqayyim rahimahullah. Taqaddam hada dans, à la fin de l'usul al-thalatha. فعلى كل حال قال هذا معنى النفي والإثبات. ثم إلى ستان ودفرس قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تأمل سدفرس قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول. donc c'est un deuxième dalil pour prouver que دعوة جميع الرسل c'est elle était fondée sur التوحيد. قال إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ça nous montre أن معنى لا إله إلا الله c'est إفراد الله بالعبادة. le sens de لا إله إلا الله c'est adorer Allah seul. pas comme certains ignorants ils pensent أن معنى لا إله إلا الله c'est le fait de croire que Allah c'est le seul créateur. لا شك أن الله c'est le seul créateur. لكن ce créateur عز وجل il faut l'adorer. أما celui qui reconnaît Allah comme créateur et il adore autre qu'Allah, لا شك أنه سيكون دوكن utility. وهذا سيأتي إن شاء الله. قال un troisième verset, ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده الأنبياء والرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. donc il a cité ce verset pour montrer que دعوة جميع الرسل c'était التوحيد. قال كل الرسل بعثوا بلا إله إلا الله، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلها كلمة باقية في عقبه إلى أن تقوم الساعة، ولا يزال في ذرية إبراهيم من يتوارث هذه الكلمة علما وعملا وتحقيقا، وإن أعرض عنها الأكثرون. نعم. Donc même si certains de la descendance d'Ibrahim ils se sont détournés, il restera toujours un groupe qui appelle à ce tawhid. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de la descendance d'Ibrahim alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala il a fait revivre al-quloub bihada tawhid à l'époque du prophète alayhi salatu salam et jusqu'à aujourd'hui. Walillahi alhamd la tazal ta'ifatun min hadhihi al-umma ala al-haq et ala al-tawhid jusqu'à la fin des temps. Walillahi alhamd. ثم قال المؤلف رحمه الله أي شيخ الإسلام dans le متن. Vous avez compris أن au-dessus c'est la parole de شيخ الإسلام ثم le numéro à la fin c'est la référence à la كلام شيخ الفوزان et on lit le شرح. Donc on revient au متن. قال وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. Après avoir insisté sur les mérites, les bienfaits de la ilaha illallah, sur l'importance, sur le fait que cette kalima c'est la da'wa de tous les prophètes. فهنا il a fait ce tambih رحمه الله أن ليس المراد. Le but ce n'est pas de prononcer cette kalima avec la langue فقط simplement. لا قال الشيخ الفوزان ليس المقصود قول لا إله إلا الله باللسان فقط من غير فهم لمعناها. قال لا بد أن تتعلم ما معنى لا إله إلا الله، أما إذا قلتها وأنت لا تعرف معناها فإنك لا تعتقد ما دلت عليه. صحيح، لأن cette kalima c'est une parole, c'est un témoignage qui renferme un sens très profitable, un sens essentiel pour le mu'min. Enfin, comment croire au sens de cette kalima si on ignore le sens? Ah, ça c'est pas possible. ثم قال فكيف تعتقد شيء أن تجهله فلا بد أن تعرف معناها حتى تعتقده أو حتى تعتقده تعتقد بقلبك ما يلفظ به لسانك فلازم أن تتعلم معنى لا إله إلا الله. Donc vu qu'on doit tous connaître le sens, on doit faire des efforts pour apprendre le sens. On doit faire des efforts en langue arabe, on doit faire des efforts fi al-ilm. Et notre objectif da'iman, ça doit être d'apprendre la base, au départ. Lian al-ilm c'est bit tadarruj. C'est pas min al-hikma de laisser des livres simples fi tawhid, des livres pour débutants accessibles, comme al-usul al-thalat, comme kitab al-tawhid, comme cette risala, comme كشف الشبهات رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيها خير عظيم. C'est pas من الحكمة de délaisser ces livres et vouloir étudier des livres plus vastes, un peu plus complexes alors qu'on n'a pas compris là-bas. Ça c'est pas من طريقة العلماء أبدا أبدا. العلماء ينصحون بالتدرج en se basant sur la دعوة du prophète عليه الصلاة والسلام. قال نعم فلازم أن تتعلم معنى لا إله إلا الله أما مجرد نطق اللسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئا. Ah, même à la prononcer sans connaître le sens, c'est pas profitable. Ça veut pas dire qu'on délaisse nos frères, min al-awam, annahum ba'dhum, ils prononcent, ils connaissent pas le sens, on doit leur montrer. Et ba'dhum, ils connaissent pas le sens, si tu lui dis, dis-moi, c'est quoi le sens de la ilaha illallah, ba'd al-awam, ils pourront pas répondre. Ils ne font pas le lien. Lakin, c'est des croyants, walillahilhamd, ils adorent Allah seul. Et ils s'écartent du shirk. Lakin, faire le lien entre le sens et al-kalima, ils ont du mal. Ah, c'est un tambih muhim. Ne pas croire que si tu demandes à un musulman c'est quoi ma'na la ilaha illallah et il ne peut pas répondre annahu c'est un kafir. La. Al-'allama al-shaykh Hafid al-Hakami rahimahullah dans Ma'arij al-Qabul il a fait ce tambih. Anna ba'd al-awam si tu leur demandes shurut la ilaha illallah ils ne peuvent pas les citer. Al-ikhlas was-sidq wal-inqiyad wal-qabul etc. ils ne peuvent pas. Ma hadha c'est des croyants. Limadha li'annahum mettent en application ces conditions. Mathalan, ils disent la ilaha illallah. Est-ce qu'ils aiment cette kalima? Na'am. Donc, ils ont la condition de l'mahabba. Est-ce qu'ils sont sincères? Na'am. Est-ce qu'ils sont véridiques? Na'am. C'est pas des hypocrites. Est-ce qu'ils se soumettent à Allah? Na'am. Hada, c'est important. Lakin, ba'd al-awam, à cause de l'ignorance, ahyanan yaqa'un fi ba'd al-shirkiyat, et ça fait du mal à cette shahada. On doit leur montrer. On doit leur montrer, en tant que croyants, vous êtes des croyants, vous dites la ilaha illallah. Ben, pourquoi demander à un mort? Pourquoi aller voir un sorcier? Si ton enfant il est malade, pourquoi aller voir un sorcier? Tu dis la ilaha illallah. Enfin, demande à Allah. Pourquoi tu demandes à ce mort? Ad-du'a, tu lui expliques, le fait de demander aux morts, c'est un du'a. يعني هم حتى صيغة الدعاء يديز يا عبد القادر يا تيجاني يا فلان يا فلان سنة دعاء. فلماذا تدرس با هذا الشرك تدي يا الله سنة التوحيد alors que tu dis la ilaha illallah, tu témoignes que personne ne mérite l'adoration. فلماذا tu adores هذا الولي en lui demandant. Et هذه الدعوة فيها فوائد كثيرة. بعض الناس ils se sont tellement écartés du tawhid et les coutumes et les ambiguïtés et ils pensent que ça contredit en rien l'islam. قال أيضا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان بل لابد من العمل بمقتضاها وذلك بإخلاص العبادة لله وترك عبادة من سواه. Donc لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق باللسان. كذلك ça suffit pas le fait de dire la ilaha illallah, de connaître le sens avec son cœur, ثم لا contredire avec العمل لا. Donc on a ces trois choses et c'est ça l'iman عند السلف. اعتقاد بالقلب, une croyance avec le cœur que le seul qui mérite d'être adoré c'est Allah et que هذا التوحيد c'est la religion de tous les prophètes et tous les messagers. ثم القول, prononcé, on dit أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم العمل, قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والترك عبادة من سواه جل سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل ليست كلمة لفظ فقط. donc cette كلمة c'est une croyance, une parole et des actes. قال أما المرجئة فهم يقولون يكفي التلفظ بلا إله إلا الله. هذه الفرقة الخبيثة المرجئة حذر منها العلماء قديما وحديثا. et dans notre série sur les sectes en islam on avait détaillé les fondements de ce groupe. Ce groupe, يقولون أن الإيمان pour eux il ne monte pas, il n'augmente pas, il ne descend pas. Et عندهم الإيمان c'est une simple parole et une croyance dans le cœur. Mais les œuvres pour eux ça ne fait pas partie de الإيمان. هذا pour résumer. وإلا on avait détaillé. قال أما المرجئة فهم يقولون يكفي التلفظ بلا إله إلا الله أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها والعمل ليس بلازم. من قالها ولو لم يعمل شيئا من لوازمها هو من أهل الجنة ولو لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصم ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة وشرب الخمر وفعل ما يريد من المعاصي وترك الطاعات كلها pour eux. المرجئة هنا يفهم يكون خال أن بوس سيمؤمن comme les autres. لماذا؟ لأن عند المرجئة الإيمان descend pas. فpour eux celui qui fait les obéissances toutes les toutes ou beaucoup d'obéissances il craint Allah. et un autre il dit la ilaha illallah lakin il fait tous les péchés et il délaisse toutes les ta'at فعندهم il a le même إيمان. لا شك أن هذا c'est من الضلال. قال لأنه تكفي لا إله إلا الله عندهم هذا مذهب المرجئة. المرجئة يا plusieurs groupes, يا مرجئة الجهمية هؤلاء عندهم يكفي المعرفة même si tu dis pas لا إله إلا الله. pour eux si tu sais que un créateur existe et c'est Allah ça suffit même si tu dis pas لا إله إلا الله. هؤلاء c'est des زنادقة. يا un autre groupe qui s'appelle الكرامية. Pour eux, l'iman, c'est le fait de prononcer, même si l'insan, il ne croit pas. عندهم, les hypocrites, c'est des croyants. L'essentiel, c'est prononcer, même si cette personne, elle ne croit pas. هؤلاء كذلك, c'est des زنادقة. Et d'autres, من المرجئة, يقولون أن الإيمان قول وعمل, ils font sortir les œuvres. Et ils disent que la foi n'augmente pas, ne diminue pas. فهؤلاء, c'est المرجئة. قال هذا مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيمان يعتبرون العمل إن جاء فبها ونعمة وإن لم يجي فإنها تكفي لا إله إلا الله عندهم ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على هذه الأحاديث. Ça c'est la cause de l'égarement de tous ceux qui se sont égarés. أنهم ils prennent une partie des nusus, des textes et ils délaissent le reste. فالمرجئة ils ont pris une partie des textes التي فيها مثلا أن celui من قال لا إله إلا الله دخل الجنة tous les أحاديث في الرجاء. الخوارج se sont égarés. لماذا؟ لأنهم ils ont pris أحاديث الوعيد celui qui fait telle chose il va في النار. pour eux celui qui fait un péché un grand péché il va en enfer éternellement donc c'est un kafir. ils se sont égarés. الموفق Ahlul Haqq, ils prennent tous les hadiths qu'il y a dans le sujet, matalan huna al-iman, ثم à la fin, en se basant sur la voie des salafs, ils ont un madhhab wadih, une voie claire de nuit comme de jour. قال في الرسول صلى الله عليه وسلم له احاديث اخرى تقيد هذه الاحاديث ولا بد ان تجمع بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه الى بعض من انفع العلوم pour saisir ce que Cheikh Fawzan il est en train de dire c'est ilm usul al-fiqh. Tu apprendras un بعض الاحاديث عام ou des versets global général. Ils sont spécifiés, précisés par d'autres textes. Le texte précis passe avant le général, ou le spécifique avant le général. كذلك الناسخ والمنسوخ كذلك المتشابه والمحكم. هذا un علم. Les ulama, ils ont écrit هذا pour faciliter. Que ça soit dans le fiqh, tu en as beaucoup besoin, ou que dans tous les autres ulum. Mais on avait étudié avec nos frères une risala de base في هذا العلم, et c'est une des meilleures, une des plus simples. La risala de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, al-usul, min ilmi al-usul. Qala, wa la bud an tajma' bayna kalam al-rasul, ba'dahu ila ba'd, sallallahu alayhi wa sallam, li'an la'an ta'khud minhu tarafan, wa tatruk taraf, li'anna kalam al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam, yufassir ba'dahu ba'dah. Naam, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour la comprendre, tu dois prendre toutes ces paroles dans un sujet, matalan sur l'iman. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit plusieurs choses. Enfin, si tu prends qu'une partie et tu te laisses le reste qui explique cette partie, la chèque que tu ne comprendras pas. Qala wa yubayyin ba'dahu ba'dha amma alladhi ya'khudh tarafan wa yatruk tarafan fa innahu min ahli az-zayr. Ahli az-zayr, c'est ahlu az-zalal, ceux qui se sont égarés. Alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilihi. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذا شرط عظيم. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que dire la ilaha illallah, c'est profitable, bénéfique pour le mu'min si il applique هذا الشرط. Il dit la ilaha illallah, لكن il s'écarte du shirk. أما واحد qui dit la ilaha illallah, ثم il adore autre qu'Allah, est-ce que c'est profitable? Évidemment. L'imadal, il y en a la condition, c'est le kufr bittarout, bima yu'bad min dounillah. Qal, wa hada hadithun sahih, fa limada ghafaltum an? Cheikh Al-Fawzan, il dit, limada vous prenez les adillas qui montrent celui qui dit la ilaha illallah, il rentre au paradis, et vous délaissez ce hadith, celui qui dit la ilaha illallah, avec cette précision. Aïe, la ilaha illallah, c'est profitable, si tu délaisses le shirk, bien sûr. Qal, وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أي لا sincérité. Mais celui qui dit la ilaha illallah, il n'est pas sincère, est-ce qu'il rentrera au paradis? أبدا. Il y en a pour que cette parole soit profitable, il faut être sincère. مثلا les hypocrites, pour eux, elle n'est d'aucune utilité. لماذا؟ لأنهم ils n'étaient pas sincères, ils n'étaient pas véridiques. قال أما الذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ويدعو الأولياء والصالحين فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه. أما celui qui dit la ilaha illallah et qui adore autre qu'Allah, il est à la khatar. Il est à la khatar عظيم خاصة s'il a été conseillé, خاصة si on lui montre et il rejette. نعم لأن l'ignorant في هذا الباب si on lui montre le haq normalement il doit accepter. أما بعضهم ils sont ignorants ou ils prétendent être ignorants ثم الحجة تبلغهم et ils s'entêtent à la rejeter. فهؤلاء لا شك أنهم ils sont على خطر عظيم. Et لا إله إلا الله تنفع بالتوحيد. أما الشرك سأنيل لا إله إلا الله. Ça, ça nous montre ماذا؟ Un autre point important. أن هذه الكلمة لها شروط, des conditions, des piliers bien sûr, un sens. وهكذا هذه الكلمة لها نواقض. Cette كلمة a des annulatifs qu'on a étudié. كذلك ولله الحمد dans نواقض الإسلام de شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. قال فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه، والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يأخذون الذي يصلح لهم ويتركون الذي لا يصلح لهم. هذا من صفات أهل الأهواء، أنهم يبخن ce qui est en accord avec leur passion avec, parmi les preuves, et ils délaissent ce qui contredit leur passion. Tu as un exemple fil Murji'a, tu as un exemple fil Al-Khawarij, fil Jahmiya, fil Rawafid, fil Jami' al-Firaq wa Jami' al-Bullal. Et nous, on n'est pas à l'abri, on doit demander à Allah salam, on doit faire des efforts. En al-Haq, s'il te parvient un dalil min al-Qur'an wa min al-Sunnah, tu n'as pas le droit de le rejeter. Comme on a détaillé, walillahi alhamd, dans la kalima d'hier. Qala wa yaqulun استدللنا بالقرآن نقول ما استدللتم بالقرآن. نعم بعض الناس يزون un avis et ils disent mais on a un dalil alors qu'ils ont pris le dalil qui les arrange. Il y a une énorme différence là. Tu dois prendre tous les adillah pas le dalil qui t'arrange. قال الشيخ رحمه الله نقول ما استدللتم بالقرآن القرآن إن قال كذا فقد قال كذا فلماذا تأخذون بعضا وتتركون بعض بعض والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا من أوصاف الراسخين في العلم. الراسخ هو celui qui est ancré, qui a beaucoup de science, qui a des bases solides. فماذا يقولون هؤلاء آمنا به كل من عند ربنا. Ils prennent toute la révélation, ils prennent pas une partie. قال المحكم والمتشابه فيردون المتشابه إلى المحكم. نعم المتشابه من النص من الآيات. C'est quoi le mutashabih? C'est un texte qui a besoin d'un autre texte pour être compris et éclairci. Certains textes, pour les comprendre, il faut un autre texte. فبعض الناس يبخل المتشابه. Tu peux comprendre telle chose et telle chose. Et ils expliquent هذا المتشابه avec les passions. Et ils délaissent l'autre texte de la révélation qui le clarifie. Ça, c'est من الهواء. قال فيردون المتشابه إلى المحكم. قال ويفسرونه ويقيد به ويقيدون به ويفصلونه أما إنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم فهذه طريقة أهل الزيغ. فالذين يأخذون بحديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويقتصرون على هذا ولا يوردون الأحاديث الواضحة التي فيها القيود وفيها التفصيل فهؤلاء أهل الزيغ. نعم سكيب خان كان دليل qui montre les mérites de la ilaha illallah. Et ils délaissent les hadiths qui montrent les conditions, les précisions. Hada, c'est sha'n as-sawfiyya. As-sawfiyya, c'est ce qu'ils font. As-sawfiyya, ils ont réfuté l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab par rapport à sa risala nawaqid al-islam. Ils disent, hada, c'est un takfiri, il rend kafir les musulmans. Et pour eux, celui qui dit la ilaha illallah, c'est un musulman, même s'il adore une statue, même s'il sait, même... هكذا أهل الأهواء. لماذا؟ ils ont pris une partie, ils ont délaissé. Alors que نواقد الإسلام et tous les livres de شيخ الإسلام رحمة الله عليه ils sont basés sur الحجة والبرهان sur السنة والقرآن ولله الحمد. Il n'est pas معصوم, il n'est pas infaillible. Il peut se tromper, il s'est trompé comme tout le monde dans certaines choses. لكن il suivait la voie des سلف et في التوحيد il a suivi la voie des سلف ولله الحمد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى Il l'a guidé. Là, c'est important. Wahb ibn Munabbih, un grand imam, il a une parole jamila que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a cité dans son sahih. Lakin mu'allaqan, sans citer al-Isnad. Et c'est un kalam sahih. Qala, rahimahullah, ou plutôt ils lui ont demandé, qila la, alaysa miftah al-janna la ilaha illallah. Ils lui ont dit, est-ce que La ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Allez, ils lui ont dit, est-ce que c'est bien la clé du paradis? Enfin, il a dit, bah là, il a dit, non. Lakin, on verra la réponse de cet imam. قال, ولكن ليس كل, ليس من مفتاح. قال, on répète, ولكن ليس من مفتاح. إلا وله أسنان. Chaque clé, elle a des dents. Vous voyez, une clé, أحيانا, si cette clé, elle est tombée, ou elle a reçu un choc, une des dents, elle s'enfonce, elle ne peut plus ouvrir la porte. Wahb ibn Munabbih al-Imam, rahimahullah, il leur a montré un al-miftah lahu asnan. قال فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. Si au القيامة tu arrives avec ce miftah la ilaha illallah, avec ses dents, les dents c'est les conditions, c'est shurut la ilaha illallah. Enfin, celui qui arrivera au القيامة avec la ilaha illallah sincèrement, il a dit sincèrement cette parole, sadiqan min qalbi, il était véridique, il aimait cette parole, il a appliqué le sens, il ne l'a pas contredit avec shirk, etc. La shirk, ça sera la cause principale qui rentrera à fil jannah. Après, rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on doit bien comprendre. هذه الكلمة لها شروط وقيود. الإمام عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قال رحمه الله قيود ثقيلة. Des conditions très lourdes. On ne doit pas prendre à la légère. C'est la base de notre deen. قال فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة لأنها من جمع الدين وهي أساس الملة. ليس المقصود أنك تأخذ آية أو حديثا وتترك غيره، بل المقصود أنك تأخذ القرآن كله. Ça c'est une règle, une base très très importante pour chaque étudiant. On est tous concernés. Anna, tu ne prends pas ce que tu veux min al-adilla. بعض الناس عيادًا بالله pour repousser une vérité un dalil, ils utilisent un dalil. T'as pas le droit. لماذا؟ لأن tous les dalils ils ont la même source, c'est la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et si tu ne sais pas, tu n'arrives pas. Ça peut être compliqué. Ce hadith, il y a telle chose et un autre hadith, il y a une autre chose. Et tu as du mal à comprendre comment faire pour rassembler ces deux hadiths. On n'est pas des savants. Là, il y a des savants qui peuvent te montrer. C'est ça le seul chemin pour comprendre. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. ثم قال وتأخذ السنة كلها وكذلك كلام أهل العلم العالم إذا قال كلاما لا تأخذه وحده حتى ترده إلى كلامه الكامل وتتبع كلامه في مؤلفاته لأنه يقيد بعضه بعضا في كلام أهل العلم سبع على الإطلاق. Pourquoi بعض العلماء ils ont démontré ce qu'on appelle المجمل والمفصل, ceux qui ont suivi la fitna d'Abi al-Hassan, il y avait une énorme fitna par rapport à ça. Et بعض العلماء المحققين ils ont démontré une différence importante. Pourquoi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et bien sûr les versets du Coran, tu ne peux pas délaisser une partie. Les anna, ça fait partie de la révélation. Et كذلك les hadiths ils ne peuvent pas se contredire. كذلك les versets du Coran ne peuvent pas se contredire. Donc tu dois tout prendre. Si tu as du mal à comprendre, tu demandes à un savant. Amma les paroles des savants. صحيح ان البعض يتلاعبون احيانا. Tu as besoin pour comprendre de lire la parole du savant en entier, prennent qu'une partie pour semer la discorde. Haoula min ahl al-fitan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. Lakin ahyanan le savant il dit une chose aujourd'hui. Thumma il dit une autre chose et il se contredit. Il y en a, c'est un être humain. Imma par oubli, imma il a changé d'avis, imma il s'est trompé. Comme on a vu dans le dars d'hier. Fihad al-hal, tu prends le haq et tu délaisses l'erreur. Les mains, tu n'as pas besoin de rassembler. Les anna, ça peut être une contradiction qui ne se rassemble pas. Maintenant, tu as بعض الأئمة, ils ont deux قول. Ça arrive souvent dans le fiqh. Dans un livre, ils disent c'est permis. Dans un autre livre, ils disent c'est pas permis. في هذا الحال, tu ne pourras pas rassembler là. في هذا الحال, recherche le délit qui montre est-ce que c'est permis, c'est pas permis. Et accroche-toi au délit et tu trouveras forcément un savant qui a dit le haq dans le sujet. هذا, c'est un تنبيه مهم. On a déjà traité ce sujet كثيرا. قال لأنه يقيد بعضه بعضا. On répète, هذا سبع على الإطلاق. لأنهم على سنن كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فترد المطلق إلى المقيد من كلامهم. فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه دائما ويحذر من طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون الذي يصلح لهم. صاصي من طريقة أهل الأهواء. Ils prennent min al-adilla ou min kalam ahl al-ilm ce qui les arrange. Pardon, ils connaissent certaines preuves, certaines paroles de savants. S'ils les disent, ils savent que c'est contre eux et ils les cachent. Na'oudou billah. On n'est pas là pour secourir notre position. On n'est pas là pour avoir le dessus. Abadan, normalement, on doit être là pour que din Allah Azza wa Jalla il a le dessus. Et din Allah Subhanahu wa Ta'ala, il aura forcément le dessus, avec ou sans nous. Donc on doit faire des efforts. On doit faire des efforts pour suivre, pas pour être suivi. Entabihu. Qala azawajal, ittabi'u. Qala azawajal, ati'u. On doit suivre, on doit obéir. On n'est pas là pour être suivi. Celui qui doit être suivi, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Lakin, à cause de maladie dans le cœur, al-ba'd, ils veulent être suivis. C'est pour ça que certains, si tu ne les suis pas, tu les contredis même si tu as la vérité. Pardon, ils essayent même plus de savoir. Est-ce que tu as la vérité, Amla? Enfin, في هذا الحال, ne sois pas triste. لأن العاقبة للتقوى, كما قال عز وجل. نعم, la bonne fin, c'est pour التقوى. La bonne fin, c'est pour les pieux. La bonne fin, c'est pour les gens sincères. Fais des efforts في العلم. Essuie العلم. Et fais attention, Akhil Karim, à ce genre de procédé que Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, il a dénoncé Huna. D'agir selon ses passions. قال يأخذون الذي يصلح لهم ويتركون الذي لا يصلح لهم من الكتاب ومن السنة ومن كلام أهل العلم ويبترون النقول كذلك ça c'est من الهوى أنهم ils citent pas le kalam en entier. Ils prennent qu'un, بعضهم والله ils prennent plus qu'un mot. Un tel il a dit et ils disent un mot ou deux mots. Alors que la phrase elle est très très longue et en lisant la phrase tu comprends. Il y en a un mot sorti de son contexte. Il peut avoir différents sens. Et بعضهم ils font ça avec l'adille. الروافض بعضهم ils ont appuyé leur mécréance en citant des preuves. Ils ont cité des parties. Et بعضهم مثلا من الروافض ils ont انظروا الضلال والزيغ. Ils ont cité البقرة. Qui est cité dans sourate al-Baqara, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à Moussa, ou plutôt na'am, quand Allah il a ordonné à Moussa de dire à son peuple, Banu Israël, de sacrifier une vache. Al-Rawafid dit que cette al-Baqara, c'est Aïcha radiyallahu anha. Akhzahum Allah, zanadiqa kafara. Lakin andhuru, ils ont pris ce texte, bel un mot al-Baqara, et ils l'ont expliqué par rapport à leur passion. Et ils ont accusé Umm al-Mu'minin. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit faire attention. Là, on ne doit pas prendre les textes par rapport à nos passions. Là, maintenant, un sujet, tu veux traiter un sujet, tu prends toutes les preuves dans ce sujet. Thumma, tu reviens à la compréhension des salaf. Et on a un autre problème. Al-Bard, il cite le dalil en entier ou la parole du savant. Lakin, avec sa compréhension à lui. Tu reviens au savant, c'est totalement différent. Qala, ou na'am, wa yatrukuna baqi al-kalam. أو يتركون الكلام الثاني الذي يوضحه ويأخذون الكلام هذا سعيف كذلك. Ça peut arriver qu'un savant il dise une chose et il se trompe et il fait tauba. Il dit مثلا نعم j'avais dit هذا, on lui reproche une chose, il fait tauba. ثم il cite autre chose الحق et tu trouves بعضهم ils disent لا لكن un tel il a dit يا فلان لكن il a fait tauba والتوبة تجب ما قبلها. التوبة ça efface ce qu'il y avait avant, il a fait tauba. Et c'est ce qui était demandé, une erreur, il a fait tawba. Lakin ils disent toujours là, mais il a fait telle chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tawba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir de son serviteur. Et nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Il est sincère, il n'est pas sincère. Ça ne revient pas à nous. Il a fait tawba, on dit il a fait tawba. Et on n'a plus le droit de citer, annahu il a fait telle erreur. Les malades, et annahu il s'est repenti. Lakin ondurul hawa. Annahu il cite l'erreur, et il ne cite pas la tawba, alors qu'ils savent qu'il a fait tawba. Qala رحمه الله حفظه الله قال ويأخذون الكلام المشتبه ويتركون الكلام البين كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشيء شيخ الفوزان حفظه الله لا constaté cette maladie au sein de certains. Il a dit beaucoup de ceux qui étudient العلم ils sont touchés par هذا بل ils sont insouciants, ils n'essaient pas de régler ce problème. قال إما عن قصد التضليل. Certains, les anahoum, ils sont mauvais, ils veulent égarer les autres. Wa imma anjahl, d'autres, c'est des ignorants. À la kulli hal, on doit se corriger. Qal fa yajib ma'rifatu hadhihi al-umur wa an takun usulan wa qawa'id 'inda talib al-'ilm intaha. Naktafi bi hadha.